Chers amis, nous sommes très heureux pour ce carême 2024 de vous proposer un certain nombre de méditations, de réflexions sur la prière du Notre Père. Chaque année, effectivement, pendant le carême, nous vous proposons une série de conférences. Cette année, nous nous sommes dit qu'il serait peut-être bon de nous réapproprier la grande prière du Notre Père. Benoît XVI aimait à dire « l'habitude émousse l'esprit ». Ça veut dire que notre vie fait qu'il y a des choses qui se réinstallent dans notre vie, nous nous habituons même aux choses les plus belles. Et le carême est toujours l'occasion, le moment opportun, pour toute l'Église, pour tous les chrétiens, de reprendre, de nous réapproprier dans notre prière, dans notre charité, dans notre vie de pénitence, un certain nombre de choses. Eh bien, cette année, nous allons revenir à la prière du Notre Père. Magnifique prière que Jésus nous a transmise. Et donc, tout au long du carême, chaque jeudi, vous aurez l'occasion d'avoir une méditation sur une des demandes du Notre Père, en espérant bien qu'au bout de ce carême, vous ayez retrouvé le goût, le désir de prier fortement avec cette prière du Notre Père. Et je voudrais, pour commencer cette conférence sur la prière du Notre Père en général et sur la première demande, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, commencer par vous citer le catéchisme de l'Église catholique. Je rappelle qu'il y a une quatrième partie dans ce catéchisme de l'Église catholique qui parle de la prière. Et puis il y a dans cette partie sur la prière un commentaire, un très beau commentaire du Notre Père dont je m'inspire aujourd'hui pour vous parler de cette prière. La prière du Seigneur notre Père. Un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » C'est en réponse à cette demande que le Seigneur confie à ses disciples et à son Église la prière chrétienne fondamentale. Saint Luc en donne un texte bref de 5 demandes. Saint Matthieu, une version plus développée de 7 demandes. C'est le texte de Saint Matthieu que la tradition liturgique de l'Église a retenu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la prière de notre Père, c'est le résumé de tout l'Évangile. L'oraison dominicale est vraiment le résumé de tout l'Évangile. Chacun peut donc adresser au ciel diverses prières selon ses besoins, mais en commençant toujours par la prière du Seigneur, qui demeure la prière fondamentale. Vous voyez, l'expression traditionnelle, l'oraison dominicale, c'est-à-dire prière du Seigneur, signifie que la prière à notre Père nous est enseignée et nous est donnée par Jésus. C'est beau de se rappeler que des millions d'hommes et de femmes, depuis des siècles, en cherchant Dieu, ont adressé des prières à Dieu. Et nous, chrétiens, nous avons cette grâce extraordinaire d'avoir une prière qui nous a été donnée par Jésus lui-même. Il est bon de se le rappeler au début de ce carême et en commençant à réfléchir sur la prière de notre Père, que cette prière est un don de Jésus. C'est lui qui nous apprend à prier, c'est lui presque, c'est encore plus que ça, il est la prière et il l'a transmis à ses apôtres, cet évangile-là que je viens de lire nous le rappelle. Vous voyez, déjà, en se disant, c'est vrai, hein. Quelquefois, nous cherchons des prières, nous essayons de développer des textes, nous cherchons des belles prières, et elles le sont, mais n'oublions jamais que rien, absolument aucune prière ne remplacera cette grande prière, la prière du Seigneur, la prière qui vient du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que dans la vie liturgique de l'Église, elle est toujours au cœur de toute la prière de la messe, la prière de l'office, et de tout au long des prières, que dans toutes les familles, si une prière vient en premier, c'est celle du Notre Père. Et En commençant cette réflexion sur la prière et de se rappeler que, puisque le carême est un temps de prière, c'est-à-dire un temps de demande à Dieu, cet élan du cœur jeté vers Dieu, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, en reprenant cette prière du Notre Père, nous nous rappelons que, puisqu'elle nous a été donnée par le Seigneur, chacun des mots, des demandes, va nous rappeler quelque chose de fondamental sur l'exercice de notre prière. La première chose que je voudrais rappeler, et que le catéchisme rappelle au numéro 2279 du catéchisme, quand il est question justement de cette prière, il est dit la chose suivante. Avant de faire nôtre ce premier élan de la prière du Seigneur, il n'est pas inutile de purifier humblement notre cœur de certaines fausses images de ce monde d'ici. L'humilité nous fait reconnaître que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler, c'est-à-dire au tout petit. La purification du cœur concerne les images paternelles ou maternelles, issues de notre histoire personnelle et culturelle, et qui influencent notre relation à Dieu. Dieu, notre Père, transcende les catégories du monde créé. Transposer sur lui encore, contre lui nos idées en ce domaine serait fabriquer des idoles à adorer ou abattre. Prier le Père, c'est entrer dans son mystère tel qu'il est et tel que le Fils nous l'a révélé. L'expression Dieu le Père n'a jamais été révélée à personne. Lorsque Moïse lui-même demanda à Dieu qui il était, il entendit un autre nom. À nous, ce nom a été révélé dans le Fils, car ce nom implique le nom nouveau de Père. Voyez, c'est important de se rappeler que cette prière du Notre Père commence justement par Père, avec tout ce que cela veut dire. Donc la grande révélation chrétienne, c'est quand même Jésus qui nous dit qu'il est Fils et que Dieu est Père. Dire ça veut dire que Dieu nous a aimés le premier. Dire ça veut dire que quand je dirai Notre Père, c'est d'abord une prière d'adoration avant d'être une prière d'invocation. C'est une prière d'adoration qui veut dire que je rappelle, et Jésus va nous l'enseigner, que nous aussi nous sommes désormais fils. Et là, j'en viens dans la prière de notre Père qui nous est transmise particulièrement le jour du baptême, quelque chose sur le rapport à la grâce. Vous voyez, dans la tradition orientale, la question de la grâce est d'abord vue d'un point de vue positif, c'est-à-dire du point de vue de la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu qui nous sauve, nous divinise, nous rend fils dans le Fils. C'est ce qu'on appelle la grâce d'adoption filiale. Alors qu'en Occident, plus tard, on va plutôt voir la grâce par rapport au péché. Mais je pense que c'est important, là, de se dire que quand nous rentrons dans la relation à Dieu, ce n'est pas d'abord comme des pécheurs, même si nous y reviendrons à la fin du Notre Père, mais c'est d'abord comme des fils et des filles de Dieu. Et donc dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu et recommencer cette prière en disant Notre Père, cette grande révélation, c'est une révélation inouïe, avec tout ce que cela veut dire, de dire que Dieu nous a aimés le premier, que Dieu est notre créateur, que Dieu est notre sauveur, que Dieu est celui qui nous a aimés le premier. Donc quand on dit Notre Père, nous voyons bien qu'en fait cela apporte une sécurité, apporte une certitude dans la foi, évidemment, inimaginable, inouïe. Thérèse d'Avila, lorsqu'elle commençait cette prière, quelquefois n'arrivait même pas à aller plus loin que Notre Père, parce qu'en disant Notre Père, elle avait comme tout dit. Elle s'est remise devant le mystère de la présence. Vous voyez, il y a l'idée que la prière de notre Père est une prière d'adoration avant d'être une prière d'imploration. C'est important de se rappeler qu'il y a dans cette prière d'adoration quelque chose qui élève mon cœur, mon âme, mon esprit, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est assez fondamental. Et en me posant et en disant Notre Père, évidemment, il est question du Fils et de celui qui nous permet de crier Abba Père, l'Esprit Saint. Vous voyez, dans cette prière du Notre Père, nous sommes mis dans la révélation, c'est-à-dire Jésus qui est venu parmi nous nous dire qui était Dieu, qu'il était le Fils du Père, en nous donnant l'Esprit. Nous voyons bien que nous rentrons mystérieusement dans la prière de notre Père, dans la présence en Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit. Vous voyez, ce n'est pas un concept parmi d'autres, c'est la grande réalité, c'est la grande vérité dont nous faisons l'expérience, et ce n'est pas une histoire intellectuelle, d'abord c'est une histoire de vie, c'est une histoire existentielle. Lorsque je dis Notre Père, je dis le Notre Père avec Jésus, qui nous l'a enseigné, qui est venu parmi nous, nous élever notre regard pour qu'avec lui nous tournions vers le Père, et ce qui nous permet de dire Notre Père, c'est l'Esprit qui nous a donné, l'Esprit qu'il a comme donné le jour de sa mort et de sa résurrection. Il a livré son Esprit, il nous a donné l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. C'est beau de se rappeler que nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est beau de se rappeler que Dieu est notre Père. Et que nous allons ensuite être appelés dans notre vocation. Et nous verrons dans la prière, dans sa dimension missionnaire, d'aller annoncer à nos frères et sœurs qu'ils ont aussi un Père qui est notre Père à chacun d'entre nous. Et j'en arrive maintenant, puisque je parlais du Père, mais à la deuxième expression, puisque nous disons, là aussi nous sommes habitués, notre Père. Le nôtre est assez important, c'est même fondamental. J'aurais pu dire votre Père ou mon Père, et le fait que nous commençons cette prière par notre Père, nous y voyons bien plusieurs choses qui sont dites. D'abord, nous pouvons dire notre Père parce que c'est Jésus, qui est d'abord le Fils, qui nous a donné par la grâce la possibilité de devenir des fils et des filles adoptives. Et donc, d'une certaine manière, de rentrer dans quelque chose de plus grand que nous, donc le Notre Père. Et évidemment, nous y voyons tout de suite, dans cette prière du Notre Père, la prière de toute l'Église. En étant baptisés, nous rentrons dans le mystère de l'Église. Nous rentrons dans le peuple de Dieu, le peuple des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, en disant « Notre », c'est tout de suite, immédiatement, quelque chose d'un sens de l'appartenance, d'un sens de l'Église, d'un sens du peuple de Dieu, d'un sens de la communauté dans laquelle nous rentrons, enfin plus exactement dans laquelle nous sommes, et qu'en récitant cette prière, nous rappelons que nous ne sommes jamais seuls. Je pense évidemment à la multitude des saints et des anges qui, chacun à leur place, contemplent notre Père. Mais c'est aussi, en disant notre Père, nous rappeler une tendance naturelle qui est inhérente à la nature humaine, surtout depuis le péché, à savoir notre individualisme. Et voyez, en disant notre Père, c'est une manière délicate, mais bien réelle, de nous rappeler que, que dans notre Père, nous sommes jamais seuls. Nous passons du moi au je, et nous rappelons que nous appartenons à une communauté, la communauté chrétienne, à l'Église, plus généralement on pourrait même aller jusqu'à l'ensemble de l'humanité, et donc que dans cette réalité, il y a quelque chose de très fort qui se joue dans cette réalité-là. Là encore, je vais prendre le catéchisme de l'Église catholique, qui redit cette chose de manière forte. Il dit « Notre Père concerne Dieu. Cet adjectif de notre part n'exprime pas une possession, mais une relation toute nouvelle à Dieu. » Je trouve ça très fort de dire qu'il y a quelque chose qui se joue d'une relation toute nouvelle à Dieu. Et vous voyez, en disant « Notre Père », il y a deux dispositions fondamentales qui sont développées en nous. D'abord, le désir et la volonté de lui ressembler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est ce cœur humble et confiant. Nous n'allons jamais seuls à Dieu. Nous y allons avec les autres. Bien sûr qu'il y a des moments d'intimité, comme Jésus qui a prié seul. Mais Jésus aussi, mystérieusement, il y a ce « je » et ce « nous ». C'est-à-dire, dans le catéchisme, on insiste toujours sur le « je crois, nous croyons ». Vous voyez, il y a ces deux idées, le désir de lui ressembler et d'avoir ce cœur confiant et humble. Et donc, dans cette relation toute nouvelle à Dieu, dans ce Notre Père, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous adressons ensemble. Et là, le catéchisme, justement, nous rappelle quelque chose qui est au cœur de la vie chrétienne, c'est la question de l'unité. C'est pourquoi, malgré les divisions des chrétiens, la prière à notre Père demeure le bien commun et un appel urgent pour tous les baptisés. Il y a vraiment l'idée que Jésus est venu apporter sur cette terre la paix, la joie et la miséricorde. Et nous y voyons bien que quand on dit notre Père, c'est quelque chose du sens de l'unité. On repense évidemment à la prière de Jésus, ce qu'on appelle la prière sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean, où Jésus va livrer son cœur une fois de plus, et elle redit presque d'une autre manière cette prière du Notre Père que Jésus adresse à son Père pour lui, pour chacun d'entre nous. Et donc, vous voyez, il y a, c'est vraiment cette idée que quand l'Église prie notre Père qui est aux cieux, elle professe que nous sommes le peuple de Dieu, d'une certaine manière, proche du Père, et en rentrant, et j'y arrive maintenant, à notre Père qui est aux cieux. Pourquoi préciser cela? Vous voyez, là aussi, on arrive à une autre réalité, une autre réflexion que nous savons peut-être, mais qu'il est bon de se rappeler. Et je lis le catéchisme qui dit la chose suivante. Cette expression biblique, qui est aux cieux, ne signifie pas un lieu, l'espace, mais une manière d'être. Non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs. Il est au-delà de tout, ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. C'est parce qu'il est trois fois saint qu'il est tout proche de notre cœur contrit et humilié. Le symbole des cieux nous renvoie au mystère de l'alliance que nous vivons lorsque nous prions notre Père. Il est aux cieux, c'est sa demeure. La maison du Père est donc notre patrie. Quand l'Église prie notre Père qui est aux cieux, elle professe que nous sommes le peuple de Dieu, déjà assis à la droite du Père. Et vous voyez, les chrétiens, c'est dans l'épître, dans un texte des Pères qu'on dit ça, les chrétiens sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair, ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Vous voyez, en insistant sur le « qui est aux cieux », notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que cela engage? D'abord, une mise en présence de Dieu, une question, mais où est Dieu en fait? Où est Dieu? Et vous voyez, en disant notre Père qui est aux cieux, et en réfléchissant sur la notion de qu'est-ce que ça veut dire en fait cette expression, où Jésus qui dit si souvent le royaume des cieux, il est au-delà de nos représentations, et c'est vrai que l'imagerie quelquefois peut nous desservir, parce qu'on en fait quelqu'un qui est bien au-delà de notre vie, et c'est vrai que comme nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, et que nous sommes très sollicités, que ce soit par rapport à notre intelligence ou à nos sens, on en oublie le plus beau cadeau avec la grâce que nous ayons reçue, c'est la foi. Et la foi, c'est ce don de Dieu qui me permet de dire « je crois » et qui me permet d'être en présence de Dieu. Il est le tout autre, mais il est partout. En nous, dans mon frère, dans le pauvre, dans l'Eucharistie. C'est magnifique cette mise en présence de Dieu, extraordinaire. Et de se dire que lorsque je dis « notre Père qui est aux cieux », c'est comme une invitation à me remettre en présence de Dieu. De me remettre. Arrête et vois que je suis Dieu, comme dit un des psaumes. Donc vous voyez, redire « notre Père qui est aux cieux », c'est se repositionner dans ce mystère de la présence de Dieu. Oui, il y a des moments de notre vie où c'est facile de reconnaître cette présence de Dieu à travers les événements, les circonstances, les autres. Puis à un moment donné, c'est plus dur. Et c'est là où, en rentrant dans la prière de Jésus, qui devient notre prière, nous sommes comme appelés à nous remettre en sa présence. À l'image de l'enfant, d'ailleurs, j'utilise souvent cette image, un enfant, un petit enfant, il est dans un jardin, il joue, et puis à un moment donné, il a une peur, il est insécurisé, que fait-il? Il cherche la présence, le regard de ses parents. Et tout s'apaise. Et bien, d'une certaine manière, nous sommes invités, nous aussi, enfants, fils et filles de Dieu, lorsque nous avons notre Père qui est aux cieux, de nous repositionner par cet acte de foi dans cette présence de Dieu. Parce que Dieu, il est présent. Mais quand je dis notre Père qui est aux cieux, c'est moi qui me mets en présence de Dieu. C'est moi qui me... Cette prière, elle est comme une aide qui m'élève mon cœur, mon esprit. Des pères disent que la foi est comme une divine échelle qui nous permet, mais pas une échelle comme si Dieu serait... bien sûr qu'il est au-delà de tout, mais il faut sortir, j'insiste, de cette image qui serait un au-delà physique. Il est au-delà des sentiments, il est au-delà de ce que notre intelligence peut percevoir. Et en même temps, il est tellement là. Vous voyez, c'est ça ce grand mystère. C'est une manière de fixer notre esprit, d'une certaine manière, sur l'essentiel. Et j'en profite pour dire que ce don de la foi, ce don de la grâce, bien sûr que nous pouvons à certains moments donner le ressentir, parce que c'est une grâce particulière. Bien sûr qu'à certains moments, nous avons besoin, il y a comme des clartés, des lumières sur la foi, grâce à l'Esprit-Saint et à notre ange gardien, qui souvent nous donne des impulsions, des lumières intellectuelles, comme pour percevoir, goûter quelque chose. Mais toujours est-il que la foi, ce don de la foi, il est en nous, dans cette dimension surnaturelle, et qui est au-delà de ce que nous percevons, au-delà de ce que nous comprenons. Et pourtant, il est au plus profond de nous. C'est ce qu'on appelle cette présence d'habitation de Dieu dans notre cœur, dans notre être, cette présence qu'on appelle d'inhabitation par la grâce sanctifiante. Et donc, se rappeler que nous avons un esprit, cet esprit, et qu'au fond de notre esprit, il y a l'Esprit de Dieu, vient Esprit Saint. C'est lui qui nous fait, comme dit saint Paul, je vous invite d'ailleurs à relire ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où il est dit que l'Esprit gémit en nous en des gémissements ineffables. Et donc oui, dans nos vies, où quelquefois nous sommes dans la joie, et nous pouvons rendre grâce à Dieu, notre Père, et il y a des moments donnés où on se sent seul ou abandonné, nous sommes appelés, par cette prière de notre Père, à revenir dans le grand axe. D'ailleurs, je rappelle cette chose importante. Jésus, vivant au milieu de nous, lorsqu'il vivait des événements, heureux ou douloureux, commençait toujours à se retourner vers son Père. Bon, quand c'était un événement heureux, que Jésus dise « Père, je te rends grâce », cela semble assez naturel. Mais quand on voit Jésus apprendre la mort de son ami Lazare, quand il voit Jésus saisi de compassion devant cette foule qui a faim, quand on voit Jésus devant la détresse des hommes, avant de faire quoi que ce soit, commence toujours par dire « Père, je te rends grâce ». Si ce n'était pas Jésus qui disait ça, ce serait choquant. Bien sûr que les saints l'auront dit après. Mais il y a quelque chose dans sa manière d'être qui nous rappelle qu'au-delà de tout, la plus grande des vérités qui nous a été révélée, la plus grande, c'est que Jésus est le Fils du Père et nous rappelle que Dieu est notre Père. Bien sûr que cela ne va peut-être pas régler toutes nos difficultés, nous aider à tout vivre, mais en tout cas, dans le Seigneur, en Jésus, avec Jésus, si nous vivons dans cet esprit du notre Père qui est aux cieux, alors Jésus pourra nous faire vivre et traverser cette épreuve que nous vivons peut-être en ce moment avec lui. Une maladie, un pardon, une épreuve, une difficulté. Et puis si c'est une joie, de ne pas nous l'approprier, mais de la partager avec Dieu. Vous voyez qu'en disant « notre Père qui est aux cieux », dans cet acte de foi, évidemment, c'est tout un, on le fait instinctivement, mais je le rappelle aujourd'hui, dire « notre Père qui est aux cieux », c'est une manière de rappeler que nous ne pouvons pas dire sans la foi, et la foi s'exprime à travers ce « notre Père qui est aux cieux ». Vous voyez, il y a déjà, dans ce que je viens de dire, quelque chose de fondamental qui contient presque tout. Et puis nous allons maintenant passer, après avoir dit notre Père qui est aux cieux, au fameux sept demandes. Alors évidemment aujourd'hui je ne parlerai que de la prière, que de la première des demandes. Le catéchisme de l'Église catholique, toujours, lorsqu'il est question des sept demandes, dit la chose suivante. Après nous avoir mis en présence de Dieu, notre Père, pour l'adorer, l'aimer et le bénir, l'esprit filial fait monter de nos cœurs sept demandes, sept bénédictions. Les trois premières, plus théologales, nous attirent vers la gloire du Père. Les quatre dernières, comme des chemins vers lui, offrent notre misère à sa grâce. L'abîme appelle l'abîme, comme dit le psaume 42. La première vague, donc la vague des trois premières demandes, nous porte vers lui, pour lui. Ton nom, ton règne, ta volonté. C'est le propre de l'amour que de penser d'abord à celui que nous aimons. En chacune de ces trois demandes, nous ne nommons pas, mais c'est le désir ardent, l'angoisse même du Fils bien-aimé pour la gloire de son Père. Que soit sanctifié, que vienne, que soit faite. Ces trois supplications sont déjà exaucées dans le sacrifice du Christ Sauveur, mais elles sont tournées désormais dans l'espérance vers leur accomplissement final, tant que Dieu n'est pas encore tout en nous. Vous voyez, et donc j'en arrive maintenant à cette première demande que nous allons commenter maintenant. Que ton nom soit sanctifié. Là aussi, si nous prenons le temps de nous arrêter, instinctivement, qu'est-ce que ça veut dire que de sanctifier le nom de Dieu ? Dieu est déjà le Saint, il est le Dieu trois fois saint. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié ? Je vous cite le catéchisme qui, au numéro 2807, dit la chose suivante. Le terme « sanctifié » doit s'entendre ici, non d'abord dans son sens causatif, Dieu seul sanctifie, rend saint, mais surtout dans un sens estimatif. Reconnaître comme saint, traiter d'une manière sainte. C'est ainsi que dans l'adoration, cette invocation est parfois comprise comme une louange et une action de grâce. Mais cette demande nous est enseignée par Jésus comme un optatif, une demande, un désir et une attente où Dieu et l'homme sont engagés. Et donc c'est ça le cœur de ce que veut dire le catéchisme. Lui demander que son nom soit sanctifié nous implique dans le dessein bienveillant qu'il avait formé par avance, pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. Au moment décisif de son économie pour nous, Dieu révèle son nom, mais il le révèle en accomplissant son œuvre. Et le catéchisme poursuit en disant cette phrase que vous retiendrez. Or, cette œuvre ne se réalise pas pour nous et en nous que si son nom est sanctifié par nous et en nous. Je relis. Cette œuvre ne se réalise pas pour nous et en nous que si son nom est sanctifié par nous et en nous. Nous voyons là que sanctifier le nom de Dieu, c'est le reconnaître comme tel. Très important. C'est le connaître, c'est le faire respecter comme tel. Vous voyez, le nom de Dieu, dire que ton nom soit sanctifié, c'est d'abord une question qui nous est posée, c'est nous remettre en présence du mystère de Dieu. Parce que vous savez que cette sainteté, on dit Dieu saint, cette sainteté, c'est le caractère distinctif de Dieu. C'est son nom propre, en fait. C'est son nom propre. Et c'est extraordinaire de se dire que ce nom propre de Dieu, ça veut dire notre nom propre aussi. D'où le fait que nous sommes appelés à la sainteté. D'où le fait que dans la longue tradition orientale, on parlait beaucoup de la divinisation. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme debout, comme disait saint Irénée. Vous voyez, il y a vraiment cette idée très importante dans cette prière d'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que en fait, en rappelant, en nous mettant devant ce grand mystère, nous nous rappelons d'une certaine manière que c'est le mystère auquel nous sommes appelés parce que nous sommes des fils et des filles adoptives de Dieu. Et que par la grâce de Dieu, que par sa grâce qu'il nous a donnée, il nous fait rentrer dans son mystère. Vous voyez que quand je dis que ton nom soit sanctifié, qu'on le reconnaît comme tel, c'est qu'on se met devant le mystère des mystères. C'est une manière de sortir, non pas de nous évader du monde, mais c'est comme si on prenait de la hauteur comme pour mieux vivre dans ce monde. D'où le fait que Jésus lui-même avait besoin de revenir régulièrement en contact avec son Père. C'est pour ça que dans ce temps de carême, nous sommes appelés à renouveler notre esprit de prière, notre esprit filial. En fait, on pourrait dire que c'est la même chose. Esprit de prière, esprit filial, c'est la même chose. Parce qu'en fait, nous sommes remis devant la grande vérité que Dieu est notre Père, qu'il est saint, qu'il est trois fois saint. Et que là où nous, ici-bas, bien, nous cherchons tant bien que mal, avec la grâce de Dieu, avec cette foi, cette espérance, cette charité, à vivre quelque chose de ce mystère, nous savons dans la communion des saints, dans le mystère de l'Église, qu'il y a cette multitude des anges qui contemplent, qui adorent Dieu trois fois saint, cette multitude des saints qui le contemplent et qui sont désormais au terme du chemin et qui nous appellent à le rejoindre. Ils nous appellent aussi que chaque homme et femme qui vit sur cette terre soit appelé aussi et sache qu'il est aussi un fils, une fille de Dieu. On y voit tout de suite, voyez, mystérieusement, comment l'adoration est le cœur même de la vie missionnaire. Parce que lorsque je fais cette expérience spirituelle, lorsque je goûte spirituellement, et puis si Dieu le permet quelquefois par grâce, que je ressente que je suis un fils ou une fille aimée de Dieu, alors cette certitude, cette consolation qui apporte tout, ne règle évidemment pas tout, mais qui me structure, eh bien en fait j'ai envie de la partager, parce que comme Jésus le dit, ce n'est pas mon Père, c'est notre Père. Et donc, comme quelqu'un qui a découvert le grand trésor de la vie, il ne peut pas ne pas vouloir le transmettre et le partager aux autres. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez fondamental dans cette prière du Notre Père. Et donc, dans le « que ton nom soit sanctifié », on y voit bien ce pourquoi de la sanctification du nom de Dieu, qui est d'une certaine manière un appel à notre propre sanctification. Sachant que cette sanctification, notre divinisation, elle n'est pas au bout de nos efforts. Elle est dans l'accueil de la vie de la grâce. Oui, il y aura des efforts, mais ils sont comme une conséquence de l'accueil de la vie de la grâce. Et donc, vous voyez qu'il y a comme ce va-et-vient permanent entre d'un côté dire que ton nom soit sanctifié, et comprendre immédiatement que c'est cette œuvre, cette sanctification, le nom de Dieu qui est sanctifié, c'est en fait notre sanctification. On y voit bien, d'une certaine manière déjà, presque le tout du mystère de l'amour de Dieu, le tout d'un amour qui veut nous déployer et nous développer complètement. Si je clôture ce temps, vous voyez, qu'est-ce que nous avons voulu dire dans ce temps? Eh bien, nous rappeler d'abord l'importance, et j'espère avoir un peu amorcé ce mouvement, de nous rappeler la beauté, la grandeur de cette prière si belle. Alors, ne culpabilisons pas, ce n'est pas grave. Si bien nous sommes habitués, nous avons perdu, nous sommes passés quelquefois à côté, eh bien, si ce temps du carême, si cette réflexion sur la prière nous y remet, nous aurons tout gagné. Voilà. Et puis, c'est inhérent à la nature humaine, je vous l'ai dit au tout début, l'habitude émousse l'esprit, donc reprenons ce chemin de l'émerveillement, reprenons ce chemin de cette prière, et puis, bien quand vous la direz tout à l'heure, cette prière, demain, après-demain, et chaque jour, déjà, en, comme je vous le disais, rappelez que Dieu est Père, c'est son nom, qu'il est notre, c'est-à-dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu, que Jésus est notre grand frère, que Jésus est celui qui nous ouvre la porte des cieux. Nous savons qu'il y a un type de présence mystérieuse de Dieu qui est au milieu de nous, qui est avec nous, qui est en nous. C'est le « qui est aux cieux ». Et puis, avec cet appel dans le « que ton nom soit sanctifié », nous rappeler que comme fils et filles de Dieu, notre vocation justement, c'est cette divinisation, cette sanctification qui est un déploiement de la grâce de notre baptême. Merci de votre attention.